Mais c'est déjà passé un petit peu quand même. Thank you. Thank you. Thank you. Oh. Thank you. l'Afrique, quoi, c'est la musique, quoi, ouais. Thank you. Who wants to sing? I can't. But who wants to?